règne sans détour, m'imprègne, me séduit, s'attarde sur mes seins, s'émerveille quand je souris, sans détourner la tête vers le silence, il me fuit. Dis, est-ce que ton règne sur mon rêve s'achève, car moi je risque ma tête à toute la nuit. Son coup à mes lèvres qui m'achève et me détruit, le signe d'une fièvre qui me brûle et prend ma vie. Dans tes yeux noirs se meurt mon regard, dans tes yeux noirs. Tes yeux noirs. Si moi je te frôle, est-ce que tu feins de dormir? Autour de toi rôde le mystère, pas de désir. Y'a aussi devant toi plein de grands livres ouverts que tes yeux noirs ne voient que quand tout est à l'envers. Juste à bouger ma main et l'on déborde de son cours. Je suis sur son chemin, toute trace d'amour. Ce goût à mes lèvres qui m'achève et me détruit, et toujours cette fièvre qui me brûle et prend ma vie. Dans tes yeux noirs se meurt mon regard, oh, dans tes yeux noirs. Oh, Merci beaucoup. Merci.